Voilà, bien-aimés, la Providence nous donne des lectures en ce jour qui sont parfaitement adaptées à la personne de Saint Martin. Bien sûr, alors Saint Martin, comme il était un grand, grand saint, on peut prendre n'importe quelle parole de la Bible ou de l'Évangile et puis on trouvera un lien, puisqu'il était totalement plongé dans l'Écriture sainte. Vous savez qu'il était à l'origine de l'actuelle Hongrie, issu d'une famille patricienne, une famille romaine, pardon, patricienne. Son père était citoyen romain et militaire de l'armée romaine, centurion. Et puis, le bon Martin va être certainement voué au dieu Mars, le dieu de la guerre. C'est pour ça qu'il s'appelle Martin. Il va devenir aussi lui militaire, va être en garnison en Gaule, va se retrouver à Reims. Et puis là, eh bien, il va vraiment rencontrer le Christ. Il avait déjà, dans son enfance, eu le désir du baptême. Mais c'est vraiment à Reims que ce désir va se concrétiser. Il va, vous connaissez cette histoire, alors que le soir, il fait la ronde, il est avec son manteau, hein, qu'il porte, manteau qui est propriété de Rome, et dans lequel il y a une doublure que chaque militaire pouvait rajouter pour avoir plus chaud. Et cette doublure, eh bien, c'est la sienne. Et lorsqu'il croise un pauvre complètement dénudé, il déchire cette doublure. On dit qu'il découpe son manteau en deux. En réalité, il prend la doublure qui était la sienne et il garde la partie romaine qui ne lui appartenait pas. Et il donne cette doublure, la partie chaude, au pauvre qui se recouvre ainsi. Et puis, dans la nuit, il a une vision. Dans la nuit, au milieu dans son songe, il voit ce pauvre, il voit le visage du Christ. Et il comprend que le Seigneur l'appelle vraiment à maintenant se mettre à son service. Et donc il va se mettre au service du Seigneur, il va être baptisé, il va devenir prêtre. Et puis il va chercher par tous les moyens à se mettre à son service, surtout dans la louange de Dieu et la vie monastique. Alors, bien sûr, comme il est un immense... Un homme d'une trempe immense, il va tout de suite avoir un rayonnement très grand au sein des monastères par lesquels il va passer, et il va être choisi, malgré lui, contre son gré, pour être évêque de Tours, pour succéder à l'évêque de Tours. Là, il va s'installer dans la petite abbaye de Marmoutier, qu'il va complètement transformer, bien sûr, tout en restant extrêmement fidèle à la vie monastique. Il va en faire un lieu de rayonnement culturel, spirituel, etc. Et il va, bien sûr, attirer énormément de vocations. Et donc, ces vocations, eh bien, il va les envoyer en mission dans les campagnes. C'est pour ça que le texte de ce jour est très adapté, puisqu'il parle d'un serviteur qui est au champ, dans les campagnes. Et voyez, Saint Martin a senti le grand besoin non seulement d'évangéliser les villes, mais surtout d'aller dans les campagnes où l'évangile a du mal à pénétrer parce qu'il y a beaucoup de paganisme, beaucoup de rites et de sorcellerie. Et il va évangéliser ces campagnes, il va adapter la liturgie et l'enseignement à ces peuples qui sont perdus dans les campagnes et qui ne comprennent rien au christianisme parce qu'ils sont complètement pris par le paganisme. Et donc il va adapter toutes sortes de choses, il va détruire les idoles, mais il va aussi christianiser certains rites. Par exemple, le rite, on appelle un rite, je ne vais pas l'appeler un rite, mais le fameux arbre de Noël que nous avons dans nos églises, que nous mettons au départ dans les églises, avant de les mettre chez nous. C'était ces arbres sacrés auxquels on offrait des sacrifices et qu'on embrasait dans un peu partout, et qui était le signe d'une immortalité. Alors, Martin va christianiser ce rite, et il va en faire l'arbre de Noël, il va enseigner à travers ça sur le péché originel, etc. Et donc, il va avoir une grande intelligence, et surtout, une immense bonté. On voit que cet homme, qui a pourtant une autorité extraordinaire, va avoir une bonté qui va marquer toutes les personnes qui vont nous rencontrer. Tout en étant extrêmement autoritaire, et parfois très très tranchant sur certaines choses, il va être très très bon, et donc son autorité va pouvoir se déployer comme ça, avec sa bonté, sa miséricorde. À la fin de sa vie, vous voyez, il est appelé, alors qu'il est déjà bien fatigué, on lui dit, voilà, à Candes, vous savez, à l'embouchure de la Rhône et de la Loire et de la Vienne, hein, je ne sais pas, non pas l'embouchure, mais à la jointure, je ne sais plus comment on appelle ça, de la Loire et de la Vienne, juste à cet endroit-là, il y a une petite paroisse dans laquelle il y a des frères, hein, de ces frères qui sont là et qui se déchirent. Donc, lui, alors quand il apprend ça, à chaque fois, il a passé son temps à sillonner la Gaule pour aller justement essayer de réconcilier communauté, etc. Et donc, il part à Cannes alors qu'il est bien fatigué. Et en quelques jours, il réconcilie tout le monde. Sauf que il se sent défaillir. Et il réunit ses frères, il leur dit « Voilà, je vais partir ». Et là, ils pleurent tous autour de lui. Ils disent « Mais non, tu ne peux pas nous abandonner, Martin. Tu es notre père. Tu es notre père. Nous avons besoin de toi. » Vous voyez, ils avaient bien senti l'importance de Martin dans leur vie. Mais Martin, vous voyez ce qu'il va répondre. Hein, pour réponse, après qu'ils aient pleuré tous autour de lui, il s'est allongé, il est en train de mourir, et il répond en se tournant vers le ciel, en disant « Seigneur, si je peux être encore un peu utile, eh bien, je ne renonce pas à la tâche, mais que ta volonté soit faite. » Et à travers cette parole, eh bien, nous voyons bien tout l'esprit de Saint Martin. Saint Martin s'était mis au service du Seigneur. Il n'avait pas voulu faire son œuvre à lui. Son œuvre, c'est uniquement l'œuvre de Dieu. Et il avait bien compris cela, qu'il n'était qu'un serviteur. Non pas un serviteur inutile, comme certaines traductions disent. Un simple serviteur, tout simplement, un simple serviteur. Alors, ceci doit nous enseigner quelque chose pour nous aussi. Vous voyez, dans toute notre vie, nous essayons de faire des choses pour Dieu, bien sûr. Nous essayons de faire des choses, alors je sais pas, nous servons à l'église, nous essayons d'évangéliser nos familles, et c'est très bien, tout ça est très bien. Mais il faut toujours nous garder à l'esprit et mettre les choses dans le bon ordre. Nous ne faisons pas des choses pour le bon Dieu. Non, non, non. Le Seigneur n'a pas besoin de ça, ça c'est totalement inutile de faire des choses pour le bon Dieu. Ce qu'il veut, c'est que nous fassions son œuvre à lui. Et ça change tout, vous comprenez, que nous devenions simplement des serviteurs du Seigneur. Donc, nous partons des ordres de Dieu, et non pas de nos petites idées humaines, qui peuvent être parfois très bien, et qui peuvent être piquées à gauche, à droite, dans des endroits où ça marche très bien. Mais attention, si nous partons de nos idées humaines, nous faisons notre œuvre à nous. Et alors, nous nous attachons à notre œuvre, et nous n'arrivons pas à la lâcher. Et nous devenons très orgueilleux, et c'est ainsi que nous détruisons l'Église de l'intérieur. Alors bien sûr, frères et sœurs, il faut faire des œuvres, il faut agir, mais il faut d'abord prendre le temps, et parfois ça peut prendre du temps, pour se mettre à l'écoute du Seigneur et de sa volonté, et se détacher entièrement de ces œuvres que nous faisons, en considérant sans cesse que nous ne sommes que des serviteurs, en ajoutant que nous ne faisons que notre devoir, c'est-à-dire nous ne faisons qu'obéir aux ordres de Dieu. Et frères et sœurs, ceci est très important parce que c'est aussi extrêmement libérant. Vous voyez, on peut sentir que Dieu nous inspire de faire des choses et puis ça ne marche pas. Mais ça n'est pas notre problème, c'est l'œuvre de Dieu. Et si Dieu veut que ça ne marche pas, c'est peut-être parce qu'il veut nous purifier, nous, et nous montrer que nous ne sommes bien inutiles nous-mêmes, que nous n'avons pas de force et que sans lui nous ne pouvons rien. Voyez, alors ça doit nous détacher complètement et nous rendre très libres. Et je pense que c'est uniquement lorsqu'on est arrivé à cette liberté, à cet état intérieur où nous sommes vraiment disponibles à ce que Dieu veut, même si ça doit être très aride et très douloureux, que ce que nous faisons porte du fruit. Parce que nous ne faisons pas notre œuvre, nous faisons l'œuvre de Dieu, nous sommes vraiment des serviteurs de Dieu. Alors que ceci doit nous inspire dans notre vie, cette manière de vivre. Et que ainsi, vous voyez, après que Saint Martin ait dit « Si je peux être encore utile, je ne renonce pas à la tâche », et bien pouf, il est parti. Il est mort. Et bien sûr, il n'a pas disparu, il est resté tout proche de ses frères, et il a été certainement plus utile encore au ciel, il est toujours plus utile au ciel que sur la terre, puisque là, il est totalement, totalement dans les mains de Dieu. Alors, demandons à saint Martin de nous donner cet esprit de serviteur, pour aller là où le Seigneur nous envoie, souvent pas là où nous aimerions, souvent dans les campagnes perdues, là où il n'y a plus rien, là où le Seigneur a besoin de petits serviteurs inutiles, pas inutiles, mais qui ne font que leur devoir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen.